Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un musicien, c'est pour savoir. Et nous, il autorise. Il y en a tellement, vous savez.